Chapitre 13e. L'équipe technique s'était surpassée, particulièrement le chef Cohen. Méthodique, opiniâtre, inspiré, il possédait un flair encore plus redoutable que celui d'un berger allemand. Une fois que Synthèse, Pétricoul, Canavès, Lèbre et Fabrègue, le nouveau, sans oublier Moussaoui, furent installés, Volpi jeta un regard satisfait sur son équipe. Il se cala dans son fauteuil, comme avant un bon film, et passa la parole à Pérez pour briefer l'équipe. Commençons d'abord par la villa de Caneparo. Sur la vitrine des armes, ils ont relevé deux séries d'empreintes, celle de Caneparo lui-même et celle de sa femme de ménage. Après les loquets des portes, les tiroirs et tout le reste, il y a aussi quelques traces papillaires de Pronzati. Mais attendez le plus beau. Cohen a réussi à découvrir sur le fusil, plus exactement sur la lunette, des traces d'ADN provenant certainement de gouttelettes microscopiques de mucus. Celui qui a manipulé l'arme a dû éternuer et il ne s'est pas aperçu qu'il avait laissé une trace pratiquement invisible. Peut-être qu'il n'y voit pas bien de près, intervint Pétricoul en riant sous cap. Mais c'est tout à fait possible, mon grand, répondit Pérez. Le merveilleux, l'inespéré, c'est que le zélé Cohen a relevé les mêmes traces sur la vitre de l'armoire à fusil. C'est pas génial, ça ? Oui, bien sûr. Ça vous arrange, murmura J. Giga. Volpi, qui avait l'oreille fine, lui fit les gros yeux. Et bien évidemment, anticipa Fabrègue, cet ADN n'est pas celui de Caneparo. Eh oui, justement, répondit Pérez en souriant. Ni celui de Pronzati, ni celui de la femme de ménage. Alors c'est celui d'une tierce personne, dit Pétricoul. Non, pas tierce, quarte, précisa Volpi, parce que Caneparo, Pronzati, plus la femme de ménage, ça fait déjà trois. Bon, ça va, je me comprends, dit Pétricoul. Pérez reprit son exposé. Et sur la vitrine, ce sont les mêmes traces d'ADN. Là encore, il doit s'agir d'un éternuement. Notre coupable doit avoir un gros rhume, plaisanta Lèbre. En tout cas, la culpabilité de Caneparo s'éloigne à grands pas. Attendez, je n'en ai pas terminé avec Caneparo. Il y a un autre détail intéressant dont va parler J.J. Giga, puisque c'est elle qui l'a relevé. Le lieutenant Moussaoui leur signala les empreintes de pneus de deux roues qu'il avait relevées dans la cour, empreintes inexplicables pour les habitants de la villa. Fabrègue voulut prouver qu'il avait bien suivi jusque-là. On en déduit que votre tueur circule en mobylette et qu'il est enrhumé. Soudain, Volpi se frappa le front. Putain, la mobylette! C'est une mobylette bleue des années 60 avec un pépé dessus. Vous vous souvenez qu'il nous a croisés deux fois sur le chemin des Saints-Pères? C'était lui, j'en suis sûr, nom de Dieu. Et voilà, jubila Synthèse. Allez, patron, on va le chercher. Il est facile à trouver. On arrête tous les gars en mobylette, on leur chatouille un peu le nez, on les fait étirner sur un papier. Tu oublies de dire qu'en plus, il est presbyté italien, ajouta Lèbre. Précise un peu, s'étonna Fabrègue. Eh bien, vous ne vous souvenez pas du mot du billet sur le pare-brise du patron, le message « Icoriusi don vivo novecchi ». Ah ouais, je comprends, fit Fabrègue. Mais ce n'est pas parce qu'on écrit la langue de Dante qu'on est forcément italien. Il suffit que tu cherches la traduction de ce que tu veux dire sur Internet. Le tueur a voulu nous embarquer sur une fausse piste. En tout cas, c'est peut-être un vieux, effectivement. Hein ? Et pourquoi, presbyte ? Parce que je me souviens que l'écriture du billet paraissait hésitante. Elle n'était pas affirmée. Comme si la personne avait eu des difficultés à tenir un crayon, ou qu'elle ne voyait pas bien. Pétricoul crut bon d'intervenir. Moi, au contraire, je pense que c'est un jeune qui sait tout juste écrire. On ne leur apprend plus à l'école. Et puis un jeune qui circule en mob, ça passe inaperçu, non ? C'est vrai que le coup du billet, ça fait un peu Harry Potter. Reconnut Volpi en riant. C'est un truc de gamin. Toute l'équipe était dubitative. Dans le fond, personne ne s'était vraiment posé la question de l'âge du tueur. Autre chose encore sur Caneparo, reprit le capitaine. Aucun de ses vêtements analysés ne porte de traces de poudre, même pas les vestes de chasse. À moins qu'il était torse nu. Oh, bien sûr. Ça m'aurait étonné, s'exclama J.J. Giga. Il a très bien pu jeter le vêtement qu'il avait utilisé. Le capitaine passa outre. Elle voulait parler de l'assassinat d'Anna qui réservait lui aussi des surprises. Bon, Maintenant, on peut passer au meurtre d'Anna, patron. Allez-y, Pérèse. Parce que pour l'instant, on brasse un peu du vent. Pérèse récapitula les constatations faites au sujet de ce meurtre, surtout à l'intention de son patron. C'était donc le couple qui était visé et pas seulement le mari, conclut Fabregue. Écoutez, j'ai une hypothèse, patron. Admettons que le couple qui n'a pas eu d'enfant ait voulu en adopter un. La DAS leur a confié un gamin qui commença à prendre ses aises au sein du couple. Mais au bout d'un certain temps, pour des raisons quelconques, l'enfant fut rejeté et reconduit à l'assistance. Blessure inoubliable, impardonnable pour le gosse qui, quelques années après, se venge du couple. Belle imagination, Fabregue. Nous vérifierons. On ne sait jamais. Ça pourrait expliquer, entre autres, que l'assassin baragouine l'Italien, s'il a passé quelque temps dans la famille. Mais à mon avis, il faut prendre une autre voie, car pour moi, l'assassin du mari n'est pas le même que celui de la femme. Je ne vois pas ce qui vous permet de le penser, rétorque Jadjiga. Attendez. Le patron n'a peut-être pas tort, dit Pérez. Vous allez comprendre. En ce qui concerne l'ex-femme Anzilouti, nous n'avons pas encore les résultats des analyses ADN, mais nous savons d'où provient la balle qui l'a tuée. Pérez brandit un petit sachet plastique. Alors, mes enfants, tenez-vous bien. Cette balle provient d'un revolver 9 mm appartenant à... Pérez laisse durer le plaisir, car dans une brigade, on s'amuse comme on peut. Volpi, amusé, était dans le fond content que le capitaine se lâchât un peu en sa présence. « Appartenant à... » répéta-t-elle, avec un coup d'œil complice vers le patron. « Caleparo, » dit Fabregue en frappant dans ses mains. « Non, réfléchis, » murmura Jadjiga. « Le capitaine n'aurait pas cette mine réjouie. »« Pas Caleparo, mais Anzilouti, » dit Pérez triomphante. Toute l'équipe resta sans voix. « Mais comment vous savez ça, Pérez ?» demanda le patron. « Parce qu'avant-hier, je ne sais plus qui a dit que l'arme utilisée pour tuer Anna était peut-être un revolver, puisqu'on ne retrouvait pas l'étui de balle. Ça m'a rappelé celui d'Anzilouti et j'ai été le faire chercher à son domicile. Inspiré par Saint-Martin, allez savoir. Je l'ai fait passer à l'équipe technique. Et voilà. Vous voyez, il ne faut désespérer de rien. Quelquefois, on a du bol. Ce revolver est un Smith & Wesson à 9 mm et les tests prouvent que la balle qui a tué Anna a été tirée par cette arme. J'attends les relevés d'empreintes. L'équipe resta silencieuse sous le choc de ce scoop. Cette découverte remettait en cause toute leur théorie. Chacun voyait s'imprimer dans son cerveau l'image de la belle Nadine, cheveux au vent, abattant froidement sa victime. Volpi laissa son équipe gamberger. Après tout, ça faisait partie des petits plaisirs d'un policier. Le premier à réagir fut Synthès qui repartit à la charge. Est-ce que Nadine Anzilouti était encore en possession de l'arme au moment du crime ? Bah oui, je vous l'ai dit, lieutenant, répondit Pérez. J'ai fait chercher cette arme hier matin et Anna avait été tuée la veille au soir. Avant de nous réunir, j'ai convoqué Nadine Anzilouti pour l'entendre. Canavez, qui était resté muet jusque-là, se lâcha enfin. Non, patron, c'est trop gros ça. L'assassin nous balade. Il s'amuse avec nous comme si nous étions des gamins. On ne va pas tomber dans le panneau tout de même. Je sais bien, Canavez, mais il faut bien prendre en compte les faits. Même si, je suis d'accord avec vous, nous sommes grossièrement manipulés. N'empêche que Nadine est la seule à qui ces deux crimes profitent. « Et en quoi, s'il vous plaît ?» demanda Fabregue. « Ben, répondit Synthès, les parts d'Anna vont être à vendre ou à céder. C'est son frère qui va en hériter, n'est-ce pas ? Or, je l'ai aperçu l'autre jour, et je n'ai pas l'impression que ce soit un phénix. » « Et si c'était Caneparo qui les rachetait, ses parts ?» insinua Jadjiga. « Il devient majoritaire, il embobine la Nadine et hop, jackpot !» Décidément, le lieutenant Moussaoui ressentait une aversion viscérale pour Caneparo, pensa Volpi. Il apparaissait clairement à chacun que l'assassin, car pour tous il n'y en avait qu'un, rôdait autour des protagonistes de l'affaire comme un fantôme. Diablement présent, bourré efficace, connaissant parfaitement ses victimes, mais insaisissable, au profil plus que flou. Il était là, tapis quelque part, tirant ses ficelles, ne laissant rien au hasard. Pourquoi avait-il tué Anna ? L'hypothèse de Fabregue sur l'adoption ne tenait guère la route, et elle était trop facilement vérifiable. Le tueur les avait habitués à plus difficile. « Au fait, » demanda Volpi, « vous avez du nouveau de votre collègue italien, Canavese ?»« C'est aussi votre collègue, patron ?»« Non, malheureusement, Russo n'a rien trouvé. » Il continue à prospecter avec les photos. Il s'est maintenant attaqué aux archives des journaux régionaux. Pour l'instant, je vous signale qu'il n'a rien trouvé non plus sur Canéparo. À croire que les papiers des ancêtres ont disparu dans le Vésuve. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un peu le foutoir dans leurs archives à nos collègues spaghettis. Remarque que d'une certaine façon, ça les arrange, plaisanta Saint-Ès. Et tu oses dire ça devant le patron? Tu es gonflé. Si vous touchez à son Italie, gaffe, se risqua Pérez en regardant Volpi ironiquement. Il n'a peut-être pas tout à fait tort. C'est une façon comme une autre d'élucider les affaires, plaisanta Volpi. Bon. N'empêche que ça commence à devenir bougrement suspect, fit Canavese. Pour moi, le crime est certainement lié à l'absence de passé. Ils ne sont pas clairs, ces mecs. Pranzilutti, je veux bien. Il a peut-être un passé louche. Mais Canéparo nous a raconté toute son enfance, dit Lèbre. Et tu l'as cru, bien sûr, s'insurgea Djedjiga. Et pourquoi voudrais-tu que je ne le croie pas? Anzilouti et Canéparo, ce sont deux sbires du même tonneau, rétorqua Djedjiga. Méfie! Pérez regarda son lieutenant d'un air désolé, mais aussi un peu amusé. Mon Dieu, pourquoi tant de rancœur, tant de hargne? Elle finit par croire que décidément, Djedjiga devait être jalouse, ou aigrie plutôt. Mais Anna avait un passé on ne peut plus clean, dans le Piémont, fit remarquer Volpi, avec un père, une mère, une tutta la familia, et pourtant, ça ne l'a pas empêché de se faire assassiner. L'équipe commençait à tourner en rond et plus rien n'avançait vraiment. Certains regardaient déjà leur montre discrètement. Un brigadier vint à propos apporter un peu d'oxygène. Patron, le rapport du légiste pour l'ex-femme d'Anzilouti. Il y a aussi les relevés d'empreintes sur l'arme du crime. Ah ! Fit Volpi, fébrile. Il se mit à lire les feuillets en diagonale et releva finalement la tête avec un sourire épanoui. Bon, les enfants ne partaient pas encore. Les traces papillaires sur l'arme sont bien celles de Nadine, mais aussi d'une autre personne, qui, vu la taille des empreintes, doit certainement être un enfant. Devant les regards incrédules de l'équipe, il crut bon de répéter « Oui, un enfant ». D'autre part, on a trouvé dans la chemise de la victime un petit bout de latex, et sous ses ongles, le légiste a relevé des résidus de peau. La victime a dû griffer son agresseur, et... Ça y est, vous jouez la devinette, comme le capitaine, fit Djedjiga, énervé. Cette saillie jeta un froid, mais personne, y compris Volpi, ne dit rien. De l'accord tacite, l'équipe avait décidé de passer certains égards à Djedjiga. Et l'ADN est le même que celui relevé sur le fusil de Canéparo et sur la vitrine, continua Volpi. On sentit les respirations se relâcher, car ceci venait confirmer l'opinion qu'il n'y avait qu'un seul assassin. Par contre, les empreintes d'un éventuel enfant ne trouvaient pas d'explication dans les cervelles de l'équipe, personne n'ayant vu de gamin dans l'entourage des victimes. De nouveau, l'image de Nadine braquant un flingue traversa les esprits. Nous avons maintenant la confirmation que le tueur en voulait au couple Anzilouti, et l'hypothèse de Fabreg sur l'adoption n'est peut-être pas si farfelue, dit Volpi. Merci pour le farfelu, patron, releva Fabreg. Ouais, mais je ne le sens pas tout de même, conclut Volpi.